C'est vraiment sympa. Seulement, je sais rien faire d'autre. Moi. Vous voulez quand même pas que je vous chante une chanson? Ah bah, ça tombe bien, il y a une partition qui traîne, là. Tout ça est improvisé. Ah, ça tombe bien, parce que je vois vraiment pas quoi vous dire d'autre. Oui, je peux vous dire que... Bon, c'est une coutume, ceux qui avaient vu mon premier spectacle le connaissent. C'est-à-dire que, oui, non, à la fin de chaque spectacle, une petite collation est servie dans ma loge, mais que pour moi. Donc, c'est pas la peine que... Sinon, je peux vous dire que, à la ville comme à la scène, je suis habillé par Kenzo, qui me fait 20%. C'est pas très intéressant. Et puis, si je peux encore vous donner un conseil, remarquez. C'est de toute façon, comme vous avez probablement pas pu tout comprendre le premier soir, vous devriez revenir. Revenez me voir. D'autant que, à part moi, en ce moment, sur Paris, spectacle d'humour, nada. Non, y a rien. Enfin, je sais pas. Faites le tour. Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a? Bon, regardez, bon, en face, tiens, en face, il y a... Comment il s'appelle Michel Leeb. Moi, je veux bien. Ben, c'est un type bien, hein. C'est un type qui il parle avec son cœur, il pète avec sa bouche. Mais bon. Sinon, vous avez un peu plus loin, il y a Francis Perrin. Oui. Si vous avez de l'arthrose du cou, ce serait bon. Hein. Faut suivre. Hein. Non mais bon, notez qu'il est pas mal, hein, Francis Perrin, c'est un type bien, mais... Oui, moi ce qui me chiffonne un peu, je sais pas si vous êtes comme moi, c'est cette manie du calembour. Toutes les sauces, tout bout de champ. Oh. Est-ce que quelqu'un a vu le spectacle de Perrin, au moins le titre de son nouveau spectacle? Hein? Mon panthéon est décousu, oui. C'est incroyable. C'est d'un goût. Mon panthéon est décousu. Pourquoi pas ma tour Eiffel et mon obélisque. Sinon, si vous aimez le comique ibérique, il y a le... Comment ça s'appelle? La portugaise qui fume, là. Comment ça s'appelle? La valeuse en carton, voilà. À part ça, il n'y a rien. Il y a... Oui, il y a le Bedos. C'est très surfait. C'est pas vrai, c'est le plus beau. C'est mon copain. Il est vachement beau dans son espèce de grand cirque. Il y a un grand tapis rouge, puis il est tout petit en gris au milieu. Il fait peur, j'ai plus le trac que lui. Bon, mais cela dit, c'est un... Bon, mais... Bedos, il a une sécheresse de cœur chez cet homme. Il n'y a pas de pardon quand il y a des jugements à l'emporte-pièce contre les nazis, par exemple. Et comment il parle des footballeurs, Bedos? Bon, vous avez entendu, moi-même, je badine avec mes camarades footballeurs. Hein, hein? Mais Bedos, enfin, je sais pas, son sketch carton rose, vous avez entendu ça? Et qu'on part carrément toute l'équipe de France de football à des enculés. Je suis désolé, c'est pas très gentil pour les enculés.